l'après-midi, il n'y avait plus de salami. J'ai dit à Johnny, cours à l'épicerie. Hey Johnny, mais la basse c'est Rita. Tiens, qu'est-ce que la... Hey, c'est désastreux. C'est la dernière émission de 2011. C'est désastreux. Titu Baudouin, t'es ta console, on te place là, t'as trois boutons. Trois boutons. Bouton du micro, celui-là, un, deux, un, deux. Bouton de mon ami Plume. Puis le bouton du guitariste. C'est-tu compliqué de lever tous les boutons en même temps? Tu mets ça à 10. Mais t'as le Jimi Hendrix, tout à 10, au maximum. Après ça, on va s'arranger, on se reculera, on s'avancera, on fera ce qu'on veut, ce qu'on peut. Hey, c'est de l'amateurisme! J'ai ça de l'amateurisme, moi. C'est comme les naturistes. Non, mais quoi, je préfère les naturistes aux amateuristes. Mais là, hey, 30 décembre 2011, dernière. Qu'est-ce que le public va penser de nous, là? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? Tout ce que la compréhension de l'être humain peut renfermer dans une caboche. Une caboche. Ben là, il me semble que les gens qui ont des caboches, c'est des cabochons. Des cabochons, oui. Mais ceux qui ont un cerveau, ah ben là, c'est des êtres tout à fait extraordinaires, merveilleux, qu'on applaudit, qu'on adore, qu'on embrasse aujourd'hui, qui nous écoutent actuellement en ce beau vendredi 30 décembre 2011, qui nous écoutent! Et puis là, ils sont plusieurs, là. Sont entre amis. Puis même si Mme Thibodeau est seule sur sa chaise, qui va peut-être briser. Qui, ça, Mme Thibodeau va briser? Non, sa chaise. Non, Mme Thibodeau, elle s'est rapiécée depuis deux semaines. Elle n'allait pas très bien. En fait, c'est pas elle, c'est son cuir chevelu. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mais elle a raté sa couleur. Sa couleur, ben, elle voulait être belle pour Noël. Puis, oh mon Dieu, elle ressemblait à la bûche. À la bûche de Noël. Ah, mon, ils ont presque coupé la tête. Oh, on appelle ça un scalp. On l'a scalpé. Elle avait la couleur crème glacée beige. C'est de la crème glacée beige? Ben oui, tu sais qu'on fait des bûches. Puis elle s'était placée des cerises. Elle voulait faire olé olé. Elle voulait ressembler à Diane Dufresne dans les années 70. Puis elle l'a pas vraiment. Elle l'a jamais eu. Puis avec ses belles grosses lunettes rouges, là, infrarouge, mais rouge en même temps. Puis, vous savez, à noirceur, là, comment t'appelles ça? C'est illuminé. Ah, mon Dieu, c'est plus brillant qu'elle. Ah, beaucoup plus brillant qu'elle. Elle a la lunette, mais elle a pas l'intelligence. Elle n'a jamais eu l'intelligence. C'est pour ça qu'elle s'est mariée avec Titu Baudouin. Ah, oh, mon, c'est ça. Ben oui. Il peut pas divorcer. Là. Il a pitié d'elle. Regarde-moi ça, de quoi ça a l'air, cette affaire-là. Ah, oh, mon Dieu. Mais tout à fait ravissante. Là. Lorsqu'elle ne bouge pas, lorsqu'elle est à la noirceur, dans le fond, on voit juste les belles grosses lunettes rondes. Là. Ça ressemble un peu à des néons là, dans les bars. Des beaux gros néons, là. Ah, elle a deux beaux gros néons. Ben oui, elle a deux beaux gros néons, effectivement, qui lui servent de loupe. Ah, c'est pour ça qu'elle est comme le docteur Magoo. Ben oui, la bande dessinée, là. Ah, s'appelle Magou, hein, monsieur Magou? Ben, monsieur Magou s'appelle Magou. Ah, mon Dieu, tous les Magous sont dans la nature. Hein? Ouais. Non, non, c'est une tentative. Ouais, mais c'est le 30 décembre. Peut-être que j'ai droit à une. M'excuse infinie. Ça ne se reproduira pas. C'est peut-être dans les ouais. Ben là, M. Tremblay, là, si vous vous trompez jamais dans les vies, là, vous n'êtes pas un humain, puis tous les humains ont le droit à cette erreur, et nous, maintenant, on va faire le... On y va? Oh non, hey, attends, on voulait que ça se tienne debout, là, puis là, peser sur la mauvaise pitoune. Oh, il y a tellement d'affaires à faire en ce beau temps. Non, non, on dirait que vous êtes mêlé, vous, là, là. Vous êtes très mêlé. Non, moi, je ne suis jamais mêlé. En fait, je me suis toujours mêlé de mes affaires, là, et c'est pour ça que mes doigts ont croché et j'ai pesé sur ouverture de l'orifice au lieu de sur faire jouer la musique qui est à l'intérieur de l'orifice. Le public s'en fout éperdument. OK, on va la mettre. Mets-la. On a-tu une caraquette? Hey, on a-tu une caraquette? On va chercher une caraquette. Oui, mais c'est pas le... Oui, oui, on y va. T'as plus une caraquette. C'est ici. Ben, pendant 40 secondes, qu'est-ce que le public a fait? Mais ça n'a pas duré 40 secondes, là. 15 secondes maximum. Tu sais vraiment pas, toi, comment calculer la temporalité de l'existence. Ben, là, la temporalité. Le public était là devant leur micro. Ils n'ont pas de micro, eux autres. Eux autres, ils n'ont pas de micro. C'est toi qui as le micro. Eux autres, ils ont le haut-parleur. Qui? Le haut-parleur. Le haut-parleur? Le haut-parleur, le petit faiseur. Ouais. Puis toi, t'as quoi? Moi, le micro et le faiseur. Le faiseur. Le faiseur de mots. Le faiseur. Le réverbérateur. Oh, que c'est bien. Alors, on va y aller, les étiquettes. On recommence au début, s'il vous plaît. Oui, d'accord. On va mettre un peu de... S'il vous plaît, Gilbert Déco. Non, Gilbert de l'écho. OK. De l'écho, Gilbert. Mais l'important. Vas-y, moi, je parle. J'ai pris trop bas. Non, c'est trop haut, c'est pas trop bas. T'es encore là. La montée et la descente, c'est pas. Non. Attendez. Ben, ça, la répétition, c'est avant le spectacle, c'est pas devant le public. Ben, là, je croyais que c'était al dente. Non. Al dente, c'est pour les portes. C'est pas pour la musique. Dans la musique, au niveau artistique, t'es prêt ou t'es pas prêt, c'est de l'amateurisme ou du professionnalisme. OK, ça, on va faire du professionnalisme, s'il vous plaît. OK, on y va. Vas-y, attends. Tu le prends ça même là? Baisse un peu, ben oui. Tu joues de la narine. Il va monter. Il a le gazou. Arrête de ma carrière de, comment t'appelles, de gazouillard vient de se jeter dans mes bras dans une tristesse des plus incommensurables. L'étourdissement de mon cervelet s'effectue actuellement et je me sens un peu comme la Terre. Comment ça? Ben oui, la Terre tourne. Ta tête? Ma tête tourne pas, c'est à l'intérieur. C'est l'oxygène qui... Le problème de cette affaire-là, c'est l'orifice. Le bonhomme qui joue, lui, de l'autre côté, là, comment t'appelles ça? Le gazouilleur professionnel, lui, il a pas à faire d'exprimer la musicalité. Il a juste à souffler. Moi, il faut que je fasse du son. Puis, j'ai pas de son. J'ai pas d'oreille. J'ai pas de vie. La vie n'est qu'un bout de quoi? Un bout d'embout. Ah, mon Dieu. Debout, monsieur. Monsieur le président, debout. Monsieur n'est pas trop catholique. Mesdames les voluptés. Ça, c'était le petit bonhomme de coton. Ah, oh, mon Dieu, c'était beau, hein? C'était merveilleux. Ouais, OK, merci. Monsieur le président, messieurs les pas trop catholiques, mesdames les voluptés, ça, c'est un blasé, ça. Ça, c'est un Québécois qui n'a rien vu, là, puis qui s'imagine que dans sa tête, c'est beaucoup plus lumineux qu'à l'extérieur. Il y a le microcosme bouchonné et le macrocosme indigérable. Comment ça? Ben oui. Ce bonhomme-là croit tout savoir. Il n'y a rien de pire que les gens qui s'imaginent tout savoir. Ah. L'instabilité, je préfère ça. Oui. On ne sait pas, tout peut être modifié, tout peut être restructuré, dépendant de l'information d'autrui. Hein? La communication, toi, l'autre, l'autre. Tu as des idéaux, tu témoignes tes idéaux, l'autre va amener autre chose. Ah, là, ça va rebalancer parce que ça va remettre en contexte ton propos. Et il n'endort pas le peuple. Oh, mon Dieu. Je ne suis pas ici pour endormir le peuple en ce beau 30 décembre 2011. Dernière... Arrête, tu l'as dit. OK. Monsieur le Président, monsieur, il était de bonne humeur, toi, toujours de bonne humeur. Quand on vient pas m'empiéter sur le... Ah oui, ben oui, OK. Monsieur le Président, monsieur les patrons catholiques, mesdames les voluptés, vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne. On l'a mis à deux, hein, comment? On l'a mis à deux. À deux quoi? Sonorité deux. Oh, bon. C'est un beau chiffre, deux, hein? Deux, c'est mieux. Trois, c'est impair. La vie impair, ça n'a jamais bien roulé. Je vous dis, moi, qui étais un ancien sociologue, moi. Ah, t'es un ancien. Ah, j'étais un ancien, moi. Ah, je suis rétrograde. Ah, je suis toujours resté en dernier, moi. Alors, comme étant un ancien sociologue, je vous dis que l'impair, là, à trois, si vous êtes ce soir trois personnes, trois individus, là, peut-être dans un seul, là. T'es combien, toi? Ah, moi, je suis un million. Oh! Comme un million de gens, je prie à m'emmerder, tout en facilité, tout en rapidité. Comme un million de gens, je suis venu ce soir vous dire que le noir n'est même pas une couleur. Non, c'est un ton. OK. Est-ce que j'ai le bon ton? Ah, mon Dieu, t'as le ton nocturne, toi. T'as le visage foncé, t'as la dent jaune, t'as l'œil rouge, t'as le cheveu gras, t'as la babine tombante, t'as trois mentons qui se révoltent les uns contre les autres. Les uns contre les autres. Bienvenue à la douce rénalité, c'est beau, hein? Aimez-vous l'image que ça procure? Ah, mon, une photo épouvantable. On ne veut pas voir ça dans une carte de fête, cette photo-là. Là. Ah, ça, on referme immédiatement. Ah, hey, tu vas serrer la main à ça. Bonne année! Ah, tu veux pas toucher à ça. Tu sais pas si la main va te tomber, si tu dois aller te la laver, si tu dois compter si, à savoir si cinq doigts te restent greffés à ton membre. À ton membre qui te sert de bras. Oh! Moi, j'ai cinq doigts après ma main. Oh! Cinq doigts. Et j'ai le droit d'en avoir cinq. Ah oui, autant d'en avoir quatre. Mais c'est, oh oui, merci. Est-ce que je peux m'en autoriser aussi deux? Oui, deux. Un. Pourquoi pas zéro, tiens? Ouais, donc, mognon. Bienvenue à la dose rénalité, à l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme. Court-circuiteur, là. Ça n'existe pas. C'est un mot que j'ai inventé dans ma tête. Eh, monsieur, c'est beau. Ben, c'est très beau. Moi, j'aime ça, madame. Madame, moi, j'aime ça. OK. Vous aimez ça quoi? J'aime ça. Oui, mais vous aimez quoi? J'aime. Oui, OK. Vous aimez... J'aime ça. Oh, mon Dieu. Ben, dites-nous quoi? J'aime. OK. Vous aimez quoi? J'aime. OK. Bienvenue à la douce. Il faut pas les contredire. Il aime, l'aime. Bon. Il aime Mathieu Chédid. M. Les gens comprennent pas, ils connaissent pas Mathieu Chédid. Mais voyons, non, Mathieu Chédid! Ah, non, c'est le fils de d'André Chédid, mais non, de Louis Chédid! Ah, non. Mathieu Chédid voulait changer de métier. Il jouait de la guitare. Fring. Mais ce n'était pas une guitare. Fring. C'était quoi? C'était une flûte à cordes. Un autre, ça va. À l'histoire finement improvisée avec votre court-circuiteur de réalisme rénal, le néant gagné. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf? Attention! Attention! Et monsieur, c'est où? Je suis coincé entre, entre votre gazou. Oh! Et ma garzouille. Oh non, pas à garzouille. Ouais, à garzouille. En fait, j'avais juste un aller simple pour garzouille, puis on m'a dit reste dans le gazou. Mais là, si je peux pas sortir. Non, tu peux pas sortir. Je suis coincé. Non, t'es con. Non, t'es comment t'appelles ça? Compromis? Non, t'es con. T'es con tout court. Ah, moi, je suis un con tout court. Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Moi, j'aime bien ça, tout ce qui est à volonté, là, c'est-à-dire, à volonté, des mets à volonté, un repas à volonté. Ah, mon, tu te fais avoir avec des choses à volonté. Je me fais avoir, moi. Un buffet à volonté. Ben oui, mais c'est toujours moins bon, va dans les grands restaurants. Ben, le grand restaurant, je peux me perdre là-dedans, c'est tellement grand, là. Où est la table dans un grand restaurant? Non, il y en a plusieurs. Oh, mon, sur quelle table c'est choix? Oh, mon Dieu. Sur la table la plus garnise. Oh! On aime ça, nous, la garnise. Deux garnises pour le paradis, please. Oh, oh oui, please, let it go. Let it go. Mais oui, OK. Ah, l'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Rénal Gagné. Aujourd'hui, le vendredi 30 décembre 2011, la dernière. Ça fait 8 fois que tu te dis. Je ne veux pas l'oublier. J'ai tendance à oublier les choses les plus importantes de mon existence. Oh, comme? Comme ça, là. OK. Alors, vous avez le droit. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai le droit souvent? Autant que vous vous en rappelez. OK. Rappelez. Est-ce que vous voulez rappeler? Oui, on va rappeler. On n'avait pas la ligne. Oh, on l'a eu, la ligne, mais... Ouais. On ne sait pas si... Madame, êtes-vous là? OK, madame. OK. Vous êtes ici, présentement, devant nous? C'est bizarre, on vous voit pas. Vous êtes devant votre téléphone. Ah, ben OK, parfait. Bravo. Aimez-vous l'émission jusqu'à présent? Bon. Allez-vous rester jusqu'à la fin? On vous oblige, hein? Ben oui, c'est elle qui va analyser notre statut là, de professionnel. Ouais, nous autres, on a le professionnel, on le dit tout le temps. Amateurie. Aujourd'hui, le vendredi 30 décembre 2011, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au sous-boulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Hein, on sent la mâchoire qui chauffe, hein? Chauffe, mâchoire, chauffe! Je te l'ai dit, ça n'irait pas plus loin. Lorsque mes dents tomberont. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour du groupe mythique Raoul Petit. Raoul Petit est un groupe rock français créé en 1979 à Apt dans le Luberon en Vaucluse. Excusez-moi. Après avoir assuré les premières parties des concerts de Higelin et de Pierre Vassiliou en 1981, le groupe commence à se produire au Puis là, à un moment donné, ils se sont... Ils se sont fait connaître à l'Olympia en 84-89, au Casino de Paris en 86. Merci, madame. À l'Élysée, Montmartre, vous êtes sublime. En 91, au Bataclan en 93. En 93, j'ai rencontré Thérèse. En 92, j'ai rencontré... le blues. Nous nous sommes aimés, moi, Thérèse et le blues. Et depuis ce temps, nous partons de tournée en tournée, en tournée, en tournée, en tournée, en tournée, en tournée, en tournée. Malgré de nombreuses, malgré de nombreux remaniements dans le groupe et toujours en activité, la pierre angulaire du groupe est depuis le début le chanteur Christian Picard, alias Carton. En mars 2011, sort l'album Yes Future en autoproduction. Et en juillet 2011, Errance Rinaldienne rencontra avec un grand bonheur, deux singuliers personnages, Carton et Marcus. Un voyage chargé, oui, en avant la zizik! Oh yeah! Rock and roll! Oh yeah! Rock and roll! Chez de pizza, à domicile, partout et même en ville, des pizzas maison, des recettes à ma façon. Beaucoup de sel, un peu de charbon, des ensembles, quelques gros pieds de porc, des piments rouges sans pour mettre quelques couleurs. Satisfaction garantie, livrée sur l'heure. Vous avez intérêt à apprécier la fine cuisine. Quand c'est livré, faut tout bouffer, sinon je serai ici. Gina lui a dit, c'est ça où je vous compte. Gastronomie, je suis pas un expert, mais y a un truc que je peux bien te faire. La pizza mécanique au parfum cybernétique. Deux, trois durites, un segment de piston, un cul de buteur, quelques vis gratinées. Prenez une croix, découpez-la finement, marinez dans du Lockheed préalablement. T'as intérêt à tout becquer, sinon je te fais la peau. L'art et les embouts, Gino se reprend. Fini la ferraille et mes mauvais plans. Gina lui a dit, c'est ça où je vous le prends. Tu vois, je fais des efforts. Mais qu'est-ce que tu me cherches ? Pourquoi tu parles plus, ce n'est plus comme au début. Hein ? Non, si. Mais qu'est-ce que tu te mets, ma vie est foutue ? Arrête de me dire ça, je ne pense qu'à toi. Arrête de mentir, je ne peux plus te voir. Ok, mes conneries, j'arrête dès ce soir. Attends, il ne va pas dans les terres à confiance. Quand même, laisse-moi tenter une petite dernière chance. Yeah. on est prêt à tout, hein, vraiment. Hein. Non, le plus chiant, ouais, c'est moi, le transport. Je m'en fous. Voilà. Ah oui, pour vous, c'est de vous rendre d'une place à l'autre. Bah oui, c'est long parce que tu joues 2 heures, et, mais tu... Voilà, où tu arrives à un endroit et t'attends 5 heures. Ben comme l'autre fois, on arrivait en quart, on arrivait à 10 heures du matin et on joue à minuit, quoi, ou 11 heures. C'est lent, c'est lent. Mais bon, on a le quart, alors on peut... Catherine Chard disait, c'est quoi la musique? Il dit, c'est, je sais pas, 20 heures d'attente et... ou 22 heures d'attente et... Ah bah et 2 heures de voilà. Shoot. Tu te lances en 2 heures, mais tu as attendu 22 heures. De... Voilà, ça dépend du cadre où t'es. Des fois, c'est bien. Est-ce que sur scène, comme tout le... est en place? Au contraire, non. Vous pouvez modifier, vous pouvez changer en... Il y a un cadre, mais okay. Comme je te disais, c'est impossible, puisqu'il y a des shows d'une heure ou d'une heure et demie. Non, mais quand c'est un show complet, là? C'est quand même cadré, mais il y a toujours... dans le groupe des gens qui font des conneries de façon à foutre que le ça change mais et que ça soit pas pareil aussi, là. C'est quand même un truc écrit et là on peut voir ouais, entre les chanteuses et moi improvisation peut-être scénique oui, sur ouais, un gag entre les chanteuses et moi sur scène mais très des peu l'instrumentation voilà. C'est ça, voilà. Ça c'est voilà. Improvisé voilà. Ouais. Quand on sent la foire avec les trompettes, avec les tambours, là, on sent que les gens peuvent durer 2-3 minutes s'ils veulent, voilà. Autant que 30 ouais. secondes si ça ne fonctionne pas. Voilà. Mais quand les gens embarquent, là, on sent que vous en mettez. Voilà. Vous mettez du bois dans le feu, donc on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et le public vous en donne. Ah oui, oui, oui. Le public est très généreux. Ah, on oui, vous oui. connaît, puis on s'en va là pour avoir du plaisir. Oui, ils sont généreux. Quand on leur envoie des tartes, ils nous les renvoient. Oui, c'est sympa, quoi. Mais des fois, avec autant de crémage. Oui, ouais. Et droit dans la gueule ou droit sur ses pédales guitare, et voilà. Mais vous avez changé l'amalgame des très tartes. Bien. Oui, mousse à raser. Oui, parce que vous êtes allé dans un... À Monaco. Oui. On a joué pour Caroline de Monaco, son école de danse. Mais pourquoi on vous a appelé? Pour la princesse, quand même. Princesse, parce qu'on était le groupe du Sud... spectacle, on nous appelait, on passait à la télé, j'en sais rien. Elle me connaissait. Bah oui, peut-être pas elle, hein, le programmateur, je sais pas. Oh. Moi, je l'ai vu, je lui ai serré la main, elle m'a pas fait la biche, je crois. Non, ah, non. Dommage. Il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Ils sont venus dans les loges avec les... Oui, oui, il fallait pas tâcher les fauteuils. Et ils savaient qu'on envoyait des tartes. Et ils nous ont dit, non, ça va tâcher les fauteuils. C'était un dimanche après-midi. Oh. Et c'était tout le monde assis, beaucoup d'enfants. Avec comme des gardes de chaque côté, pas se lever et tout, tu vois, c'était... Il fallait faire le show et communication avec le public, c'était pas si évident. C'était le Noël, et elle, au fond, là-bas, dans une loge, en hauteur, avec le ça prince. Ça doit être le Noël des enfants de la famille princière. Ben, c'était la fête de l'école de danse, le truc de fin d'année. D'accord. Et il y avait un show. Il y a les combien mots... de temps? Oh, c'était 85, tu okay, vois. OK, alors vous avez changé votre composition de tarte en 85. Ah. Voilà, pour voilà. Et à chaque fois, ça change. On ne prend pas la même mousse à raser. Hein, chaque okay. fois, on évolue. Okay. Mais si les gens commencent à bouffer, ils vont se rendre compte que... Voilà. Ça aussi. Et ouais, ils se rendent compte... C'est pas très bien. Non. Mais au moins, ils savent que ça ne tâche pas leur costume, ceux qui viennent en costume. Et ça sent bon. Nous, on dit de venir en imperméable, quoi. Ah ouais, ben oui. Un ciré. Oui, comme Columbo en imper. Voilà. C'est feu Columbo qui est décédé récemment. À cause d'une tarte, oui. Ah, peut-être, mais c'est vous. Peter Falk. Vous en ah non, lui, non, lui, avez... non, lui, on l'aurait protégé, lui, quand ben même. Ben oui, j'espère. Oui. Puis surtout, c'est sans doute que ce gars-là allait faire une enquête sur vous, donc ça... Ah. Vous seriez mis dans la merde. Alors, il y a encore sa femme. Le comble, c'est qu'il est mort d'Alzheimer, je crois. Columbo. Oui, mais un Alzheimer très, très particulier, parce qu'à des moments donnés, il avait pleine conscience de ce qu'il savait, de ce qu'il connaissait, puis alors ça, pouf, plus rien. Ah, alors ouais. ça venait et ça... Ah, d'accord. Donc, c'était... Ça devait être dur quand même. Oui, il dit attention, dans 5 minutes, je retombe. Quoi. Non, je pense que c'est... Ouais, ça durait plus une question longtemps. De minutes. Oui, mais quand même, à un moment, ça part. Quoi. C'est ça, exactement. Clac. Voilà, plus rien. Ah, ouais. Et tu reviens, puis là, t'as toute conscience. Oh, j'en ai marre, je te jure. C'est pas du tout fini, ce bordel. Oh, il me fait chier. Vas-y, mets à fond. Je ne supporte pas Saint-Tropez, les VIP me font gerber, leurs beaux cerveaux mal irrigués finissent par tout contaminer. J'ai rien à foutre de leur Rolex, et encore moins de leur sexe. Y'en a marre, y'en a marre, je veux de l'air et de l'espace.

Ça le bouchon un peu fermé. Ben c'est normal pour pas que ça coule. Oh. Ouais, c'est une bonne idée. Hein. Si ça coule, ça, il en restera plus dans la bouteille. Ah, oh, mon. Hey, tu sais ça par cœur, toi. Ah, ben, c'est tout inscrit dans mon cerveau. Ça. Si c'est ouvert, ça coule. Si c'est bouché, ça. C'est bouché. Ah, mais c'est comme toi, hein. Moi, je suis bouché, moi. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami. Bon, bref, ce sont les traductions et entrons dans. Entrons. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Allons voir s'il est bon. Allons voir, oui, oui, oui. Allons voir, non, non, non. Allons voir s'il est bon. Alors là, on va aller voir la phrase de Bukowski, puis ensuite nous irons plonger dans ce vignoble. Oh. Où sommeille quelques raisins. Oh, on les nomme! Oui, il y a Ticu Baudouin qui est couché par terre, là. avec Rita Biblo. Oh! Il se passe des choses dans ce coin-là. Là. Oh! Alors, est-ce qu'on peut commenter comme le hockey ou comme le soccer? Oh non, non. En parlant de soccer, on peut pas parler de. Quand même, on a des auditoires jeunes là, à cette heure-là. Là. Il y a des gens qui amènent les familles, puis les enfants n'ont plus d'école. Ah, oh, mon Dieu, ils n'ont jamais eu d'école. Ils vont pas à l'école, ces enfants-là. Ils apprennent rien. Ah, ça, c'est entièrement raison, surtout. Okay. Alors, première phrase, on y va avec ça. Tout a commencé, enlève-moi ça, Gilbert Bécaud. Tout a commencé, ça a commencé comment, donc? Par deux ou trois réunions chez Joe Yans. Là, on était en communication avec le grand Raël qui devait venir nous voir. C'était le clou de nos rencontres. Là. On voulait voir des Elohim. On était en communication en cercle parce que pour évoquer, pour amener une source de chaleur et une source surtout, vous pouvez pas comprendre ça là, parce que c'est des ultrasondes. Puis on apprend pas ça dans les livres, des ultrasondes. Ben là, des ultrasondes, des ultrasondes. Oh, une zone interdite, zone. Pas la couleur, mais non, c'est pas la couleur, c'est jaune. OK, mais toi, c'est zone. Tu parles pas sur le bout de la langue, non. Z-O-N-E, zone. OK, on a compris. Bon. Alors, pour amener la zone dans la communication est-terrestre. Oh! Cinq à six bouteilles, une femme sur mes genoux. Ça attire, ça, là. Une femme, ça attire les ondes, ça attire les Elohim, parce que tout le monde sait que les Elohim adorent la terrestre, puis surtout adorent la québécoise terrestre. Ah, mais pas la belge. Pas la Yougoslave. Qui? Yougoslave. Non, c'est. Tu te trompes, pas c'est Yougoslave. Non, c'est Yougoslave. Oh! Oh, ils sont enclavés les unes dans les autres. Là. C'est très fermé. C'est un cercle vicieux. Ah, oh, on aime ça. Ouais, non, faut pas. Faut pas aimer ça parce que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Comment ça? Ben oui, Renaud dit j'aime tout ce que. C'est quoi la chanson? J'aime tout ce qui vous fait peur, la douleur et l'ennui. Ta-da-di! Ah oui, c'est vrai. La nuit, ça fait peur, la nuit. Parce qu'il fait noir. Et puis le jour, oh, ben, il fait clair. Oh, c'est comme tes idées. Ouais, mes idées sont noires, mais même à clarté, moi, mes idées sont noires. Puis en noirceur, ils sont de plus en plus noirs, ils sont noirs foncés. Puis peut-être lorsqu'il fait plus soleil, là, c'est noir clair, mais d'une clarté assez sombre. Oh! Puis là, avec Joe, on avait dit à Joe, mon Joe, as-tu invité Bassin? Oh, ben il est tombé dans l'eau. Oh non, oui, il voulait chercher des scènes noires. Oh! Il n'est pas au scène noir, il est au scène noir, là, Joe. Puis c'est le genre à dire l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je la vis. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le serai. Par les sirènes de train et les sirènes de bateau qui vont chanter sans voix la chanson de l'Eldorado, l'Amérique. Mais hey, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, celle-là. C'est. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zin, zin, zin, zin, oh yeah. Zin, zin, zin, zin. On l'a fait souvent, ça. Zin, zin, zin, zin. Oh, mais à l'époque. Oh, zin, zin, zin, zin. Quelle époque? Oh. Ah, oh, on dira pas. Oh, oh, ça nous vieillit. Oh, oh, oh. Ben, parle pour toi, je vieillis pas, moi. Moi, je n'ai jamais vieilli, puis je comprends pas pourquoi les gens ont le temps de vieillir. Il suffit d'y réfléchir pour amener des plis. Ben voyons donc, moi, ça me fait pas un pli, cette différence. Ben voyons, ben c'est pas juste la différence. Garde-moi le menton. Ben, je te l'ai dit, trois mentons, à un moment donné, ça coupe. Ça coupe dans le gras. Oh, oh, oh! C'est quel gras? Regarde ici, là, on appelle ça ici en bas. Le premier en bas, c'est la trompette. Oh! Dans le milieu, c'est le trompeux. Oui, puis en haut. En haut, j'ose pas le dire. Non, non, c'est quoi en haut? La tromperie. Oh! Alors, quand la tromperie descend à côté de la trompette, puis évoque celui d'en bas, il y a une chicane entre les trois, puis celui qui est dans le milieu encaisse tous les coups. Aïe, aïe. C'est très violent. Ah, c'est des combats de menton, là. De menton? De menton. OK, t'as dit manteau. En parlant de manteau, nous, là, à un certain moment donné au Québec, lorsque beaucoup de visites arrivaient, comme là, dans quelques jours, là, vous allez recevoir ma tante Huguette, ma tante Monique, ma tante Claudine, ma tante Maryse. Toutes les matantes vont arriver, les mononcles vont arriver, les manteaux vont arriver. On mettait ça dans une chambre sur un lit. Tous les manteaux. Moi, quand j'étais petit, je sautais dans les manteaux. Il y avait des manteaux à poêle, des manteaux en laine, des manteaux qui puaient, des manteaux. Ça fumait, hein? Aujourd'hui, ça fume presque plus. Puis quand ça fume, ben, ça fume en table. Ben, c'est soit que ça fume pas ou ça fume au carré. Fait que c'est encore pire. Le manteau boucan, mon champion. Hey, Madame Tremblay, hier, quand je l'ai invité, avant le grand premier, parce que la semaine prochaine, moi, je peux pas recevoir personne. Parce que ma porte va être barrée, puis j'aurai plus de clé, puis je vais être coincé chez moi à l'intérieur, puis les gens vont rester à l'extérieur. Moi, je peux pas ouvrir. Voilà. Je peux pas ouvrir, il n'y a pas de communication possible. C'est pas parce que je peux pas. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux pas. Parce que moi, je veux, là. J'aimerais tellement ça vous accueillir. Branchez votre webcam, madame. Ben voyons, je suis à l'extérieur de la porte. Avez-vous amené votre ordinateur portatif? Oui, ouvrez-le. On va regarder sur Skyfly. Ben voyons, on passera pas la journée dehors. Puis, ben oui, non, la soirée. Ouvrez votre ordinateur, là, puis on va se voir. Moi, à l'intérieur, vous voyez l'extérieur. Hey, une maudite belle soirée. Qu'est-ce qu'on va boire? Bon, vous boirez de l'eau. Moi, j'ai tout acheté pour 25 personnes, puis je suis tout seul. Ben c'est ça, tu vas t'endormir avant tout le monde. Non, non. Oh, je m'endors pas, moi, là. Mais je suis en pleine forme, puis ah ouais, j'ai le goût de danser. Hey, on va danser ensemble. Ben, je suis de l'autre côté de la porte. Puis ça, avec Skyfly, on va danser ensemble. Ben, comment tu peux faire? Virtuellement. De l'imagination, puis virtuellement. Vous êtes chez vous, madame? Non, je suis derrière la porte. OK, restez-y. Restez-y, puis placez votre caméra, là. Oh, je vous vois. Je vous vois. OK, reculez un petit peu, là, puis on va danser ensemble. Ben, tu es malade, quoi, là. J'ai de la misère à danser quand c'est dans le réel. Dans le virtuel, ça doit être encore beaucoup plus difficile. Non, non, non, non, non. Garde, quand Claude nous garde. Qui? La langue. Claude, la langue? Non, non. Claude Nougaro, mais c'est ma langue qui a fourché. Bon, OK. Quand Claude Nougaro chantait. Oui, monsieur, qui? Nougaro. OK. Chante. Donc, danser sur moi. À danser sur moi. À danser sur. Pou, pou, pou, pou, pou. Moi. Hey, ça donne le goût de danser sur le monde, ça. Puis là, danse sur ton ordinateur, madame, avec votre webcam. Hein? Toujours la webcam, là. Le jour où je vous verrai plus, ben là, ça risque d'être assez triste parce que je vais être tout seul devant ma caméra, devant mon écran, je vous verrai plus. Donc, ça sera des fêtes extrêmement décevantes. Ben là, passez-tu me rester tout le temps, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ben, ouvre la porte, on va la défoncer. Défonce ça, toi, la malade, là. Défonce ça, tu vas payer une porte neuve. Sais-tu comment ça coûte une porte de même? 6 000 $! 6 000 $! T'es-tu mal? C'est en quoi c'est fait? C'est pas fait en fer forgé, ça, là. C'est fait avec des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Hey, c'est où, ça? C'est loin en... C'est Londres, on dit que ça... Il pleut à Londres, hein? Mais là, il pleut pas, puis c'est des perles de pluie. Oh, mon Dieu. Je comprends rien. Ben, je sais, t'as pas le cerveau assez fort. Ben là, vous me tutoyez, vous me vouvoyez. Oh, moi, en début de soirée, c'était tu. Là, ça va devenir vous. Là, après ça, ça absolument plus rien. M'a fermé mon écran, je vais pas ouvrir la face. Vous êtes comme elle, vous êtes comme ça, là. Moi, je suis comme ça, moi. J'ai jamais été autrement. Puis là, la chanson, là, le titre, c'est « Vie et mort d'un journal underground ». Ah, ça, c'est underground, hey. On y va, madame Mère, oui. Bye. thank you, petit papa Noël. Tiens, t'es pas mal, ce classe, mais où? Ah, tant pis. Ils appellent ça des mignons. Je suis un chien, nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Je suis un chien, nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Les plats maintenant dans la cuisine, ils mangent des offres, féroces, quel molasse. Ah, effrayez les gosses. Comment ça va? Je suis un chien, nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Oh la clé bas, ils bouffent de tout, la viande de cheval. Il y en a marre. Le proprio fait des histoires. Ni chien ni vélo qui me lie et grand fort. Et je te mords, et je te mords, et je te mords. Je suis un chien, nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Je suis un chien, nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Et voici pour terminer un solo de poisson. L'ordre en derrière, c'est normal, forcément un poisson. Cause mon lapin et un gros os. De toute façon, ma ligne d'horizon est à l'infini, ni, ni. J'en ai assez de vos conneries, de vos pédigrés, de votre système logisto-stisto-psychomatique. Caca, monsieur, la porte est là. La porte est là, la porte est là, les portes là. Et moi, j'aboie. Je suis un chien, nous sommes des chiens, vous êtes des chiens, ils sont des chiens. Moi j'ai du fer, le Latipa, qui mord les proprios. Pas fou le chien, Eddie and the Hot Dogs, tu connais mec. Hello Dolly, comment ça va? Encore un coup comme ça, il va danser la bamba. Bamba Bayo, Bamba Bayo. Sablanco, lui Sablanco, lui Sablanco, lui Sablanco, moi Sablanco, moi Sablanco. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, ma mère comme ça, moi. Bah, l'Alzheimer, c'est la maladie. On reconnaît, oh, doudou, et puis après, boum. Ouais. Voilà, ouais. C'est triste. Avoir mon père, il dit, il est gentil, monsieur, il fait le ménage. Bon, c'est mon père. Mais moi, on me reconnaissait. Ouais. Mais lui, voilà, bon, bah, après. C'est la maladie du siècle. Ouais. Et là, pour carton... Il y a le sida quand même aussi. Ouais, le sida, c'est déjà... Ouais, c'est, oui, mais on y travaille fort. On n'y travaille pas assez. Ah non? selon toi? Non, mais je sais pas, selon toi. Revendique. Si, on y travaille, oui, mais okay. Bon, peut-être pas assez. Hein. Regarde, en Afrique, c'est genre la merde. Ah oui, effectivement. Ouais, dans les pays développés. Les labos et le tout. Moustique, là, comment ça s'appelle? Ah oui, la malaria, le palu. Et voilà, ça, c'est encore pire que le sida. Ah oui, ouais, ah, oui je sais. Moi, même moi, je l'ai, le palu. Ah oui, ok, mais oui. Je l'ai eu en Afrique. Ah oui, tu t'en es sorti? Eh oui, mais des fois, si je suis fatigué, s'il y a un concert et tout, je suis fatigué après, il y a un coup de froid, oh, j'ai froid. Oh, je suis bloqué, tétanisé. Ça m'est jamais arrivé en concert. Ah. Des fois, en sortant du concert, s'il y a une tournée, il y a de la fatigue. Mais c'est l'adrénaline aussi là, qui est peut-être, pendant le spectacle. Voilà. Des fois, le coca, ça me déclenche ça. C'est marrant. Hein. Ok, ah oui. Ouais. Voilà, mais presque rien. Hein. L'autre fois, ça me l'a fait l'audio en revenant, j'avais la voix cassée. Là, on dormait en quart, un peu décalage horaire, on se lève à... On dort, on se couche à 3, on nous dépose sur la route à 7 heures, tu sais, et hop, chez moi, boum, ça m'a fait ça. Oh, ok, voilà. C'est comme... J'avais eu en Afrique, voilà. Oh. Ça te fait un gros frisson, t'as l'impression d'avoir froid alors qu'il fait très chaud. Et ça reste toujours. Et oui, et ça peut se déclencher n'importe comment. Voilà, bah oui, on m'a dit... Voilà, je l'avais eu en Afrique, je me suis déplacé, je suis allé aux îles Canaries, c'est revenu. Après, c'est fini, je suis arrivé à Paris, hop, une crise. Je suis descendu à Apt, hop, une crise. Changement de climat, voilà. Puis là, ça va, c'est moins... Tu vois le chronomètre sensible. Bon, on parlait de... Je ne sais pas si ça a à voir avec l'interview, non, mais bon, on, tu ben comprends. Non, on avait parlé du sida, on avait parlé de... Voilà, d'Alzheimer. De Colombo, ça vient de Colombo. Voilà, c'est de la faute. Et la tarte, et à cause de la tarte. Tatin. Tatin, oui, non, la tarte, tatin, c'était vieux, tout à l'heure. Ben, vieux, non, c'était dans la même entrevue, c'est bon. Et attends, à propos de la tarte, d'ailleurs, bonne raison qu'il avait eu d'arrêter, c'est qu'il a jeté, une fois elle est partie tellement loin qu'elle est tombée sur la console de façade. Oh. Et là, ça avait quand même créé... Parce qu'on avait une catapulte, carrément un grand truc, mais grand comme d'ici, avec le trompote, je dis le trompote et trombène, le trombone et trompette qui se jette dessus, et paf, pour que ça aille au balcon. Bon. Et des fois, ça a tombé sur la console. Si c'était moi, une fois, le sonorisateur, à la fin d'un concert, il m'a dit, il y avait un carton, et il fallait que je nettoie tout. Oh. C'était pas du digital encore, ou c'était pas du numérique, non? Oui, c'est pareil. Non, digital, c'est avec les doigts. Oui, exactement, c'est des boutons. Donc, c'est des boutons. Ah, c'est des boutons. L'autre, c'est des coulisses. Voilà, tu vois, voilà. Analogique et numérique. Le trompote à coulisses. Bon. Ouais, c'est comme la trombe. Tu vois, je suis au courant de tout, moi. Je suis dans le métier depuis longtemps. Un homme universel. Voilà. Il connaît tout. Mais pour comme carton. La colle universelle. Oui, effectivement, ça colle tout. C'est presque. Tout, presque. Donc, ce disque-là a amené un spectacle que vous promenez partout. Oui. En version festival ou en version traditionnelle, classique. Voilà, on l'emmène, on prend par la main, oui, partout. Oui. Et est-ce que l'album se vend bien ou... Alors? Ben, si tu veux, par rapport à Raoul, c'est bien. Et par rapport c'est lui qui compte. Il a, okay. Été, il a okay. Eu le bac mat. On peut l'acheter aussi en spectacle, c'est ça qui est bien. Ou sur Internet, de partout. Ah non, non, carrément. Ah, il y a la FNAC, là. Ouais, ah oui, là, tu vas là. Enfin, en France, il y a des genres culturels, Leclerc, tu vois, c'est-à-dire c'est des enseignes discount ou du supermarché. Quoi. Ah bah oui, en Normandie, Nanazadi, je l'ai trouvé. FNAC, Virgin, en digital, justement. Non, non, il est très bien distribué. Et pour, vu la crise, la crise du disque, c'est vraiment pas mal. Mm. Vu qu'on a, si tu vois, on a pratiquement pas de promo, tout se passe par le clip et les concerts, voilà. Donc ça va, quoi. Par rapport à d'autres albums. Mais ça se vend autant sur Internet via les MP3 que. Je sais pas. Jean-Luc? Oui. Hey, tu fais la poule? Non, je fais la farce. Oh mon Dieu, non, c'est la dinde puis la farce. Oh. Suis-je plus drôle que la dinde? Oh, faudra demander à la badigeonneuse. Oh, la badigeonneuse batteuse. Madame Toulouse? Oui, monsieur. Madame Toulouse? Oui. Est-ce que vous badigeonnez très bien? Oui, je badigeonne régulièrement. Très bien, toujours très bien. Je tiens à vous dire, madame. Arrêtez, oui. J'ai été la badigeonneuse en 98, oui. Championne en 99. J'ai eu mon trophée. C'était quoi? C'était un beau plumeau parce qu'on badigeonne avec quoi? Mais je sais pas, avec un timbre. Avec un timbre. Regarde, moi, l'imbécile. Avec un pinceau. Oh! Donc, un pinceau qui est un. Un pinceau? Non, qui est un plumeau. Un plumeau, ben un pinceau ou un plumeau, ben c'est ça. C'est parce que c'est gigantesque, un plumeau, hein? Alors, ça fait un beau plus trophée. Est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Comme le mentionnait, on l'a pas compris à la fin. On comprend jamais les fins, hein? Quoique, quand ça fait glou-glou, ça veut dire qu'on a faim. Non, c'est pas c'est cette fin-là, c'est F-I-N! F-I-N! F-I-N! Oh! Qu'est-ce qu'elle a, F-I-N? Alors, rien! Fin, c'est F-I-N, et pas F-I-M! Oh oui, c'est vrai, c'est F-I-N pour la fin, là, comme un film avec John Wayne! Lorsque le cowboy à cheval s'en va avec son... Son quoi? Avec son... Son... Son quoi? Arrêtez de crier, vous là! C'est pas parce que vous allez crier que l'imaginaire va s'amener comme ça au hasard, là! Il faut aller le chercher, l'imaginaire. Ben oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire avec John Wayne? Ben, il s'en va au galop avec quoi? Avec son magot. Oh, ben non, mais c'est le gentil. Ben oui, le gentil l'a pris d'un méchant, puis il va le ramener à la banque. Oh, c'est beau, c'est très beau. C'est C'est un film hollywoodien, il faut que ce soit beau, il faut que ça se termine très, très, très, très bien. Sinon, c'est pas hollywoodien. Hey, t'as tout à fait raison, je connais ça, moi, le cinéma. Comment ça? Arrête de dire comment ça, là, depuis le début de cette émission-là, depuis le début des Rangs canadiens, tu dis comment ça? C'est comme ça, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est comme ça! La société est comme ça, le cinéma est comme ça, les stéréotypes sont comme ça, la conception du genre humain est comme ça, la conception de l'humanité est comme ça, la conception sociologique, psychologique, philosophique est comme ça. Ça peut être autrement, ben oui, la preuve. C'est quoi la preuve? Ben la preuve, c'est qu'Errance canadienne, c'est à l'encontre de tous ces phénomènes aussi normal que paranormal. Ouais, ben parce que ça, c'est pas normal du tout. Non, ça n'a jamais été normal. On a dit, hein, alinéa 17, « Oh mon Dieu! » Chapitre 1er, « Oh non! » Mes frères, mes sœurs, mes brebis. Oh, les brebis, j'aime ça, les brebis. Les brebis. Oui, oui, les brebis. Comme le mentionnait Jim Morrison. Jim Morrison. C'est qui ça? Comment ça? C'est qui ça? C'est qui quoi? C'est qui Jim Morrison? Vous ne connaissez pas Jim Morrison? Moi, je connais Jim Morin. Jim Morin. Oh oui. Oh, Jim. Oh, excusez-moi. Oh, Jim Morin, yeah. Jim Morin, yeah. Jim Morin. Non, c'est pas ce Jim Morin là, c'est Jim Morrison. Oh! Le chanteur? Oui. L'étudiant en cinéma? Oui. Le poète? Oui. Ah oui, je le connais. Comme la porte? Oui. Prends la porte. Non, c'est Doors. Doors, c'est quoi Doors? C'est porte Doors. Hey, monsieur, t'es Doors. Oui, oui, je suis très droit. Put the roll in the course of this. Alors, comme le mentionnait, c'est de l'anglais. Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Aouh! Nous vous proposons maintenant. Hey, coupe pas ça de même, toi, là. Je coupe comme je veux. Coupe pas dans le gras. Oh, mon Dieu, c'est vrai, hein? Parce que c'est le gras donne le goût. Saviez-vous ça, Mme Tremblay? Ah, ben moi, ma sauce à spaghetti n'a pas de gras. Ben, si ça n'a pas de gras, ça n'a pas de goût. Ben, ça n'a pas de goût, ma sauce à spaghetti, moi. Ça mijote pendant 2h30 à 350 à Brawl. 350 à Brawl. C'est soit 350 ou à Brawl, mais 350, c'est pas drôle, ça. Ah, mon, c'est drôle, hein, c'est très drôle. OK, 350, c'est drôle, hein, c'est drôle. Je trouve ça, là. Je ris. Ah, je ris. Pendant autant de temps, autant de temps que je m'attends à tourner ma sauce à spaghetti, jusqu'au moment où ma louche... Oh, qu'est-ce qu'elle a, votre louche? Jusqu'au moment où ma louche casse dans la marmite. Oh, monsieur, ça, c'est pépé. C'est très pépé. Très pépé. Plus pépé, pépé. Plus pépé. Plus pépé que ça. Oh, mon Dieu, c'est toi. Mais c'est moi. Y en a-tu des pépés dans notre société? Tout est pépé. Tout est pépé. Oh, mon Dieu. Y a des pépéronis. Oui. Y a des pépés. Oh, ça, les pépés, on les connaît. Enfin, on peut faire la nomenclature. On pourrait blesser des pépés. Mais comme ils sont pépés, ils ne peuvent pas savoir. C'est vrai. Comme ça, ils peuvent pas rien comprendre là-dessus. Ils sont pépés. Oui. Pépé dans le moins mince, dans le plus pépé du pépé. Ça leur plafonne. Plus c'est bourré, plus ça colle en haut, là. Ça colle pas en bas, non. Ben oui, en haut et en bas, c'est tellement... Eh, monsieur, on le sent. On sent le pépé. Oui, monsieur petit mono. Oh, attention, on y va. Hey, bien au soir, là. Lui, il est prêt. Tu lui dis OK, là. Il y avait l'harmonica. C'est pas de l'harmonica, c'est... C'est un violon! Eh, hey, monsieur, c'est pas les violons qu'on avait, là. Moi, je connais ça, le violon. Ah, tu connais tout, toi? Moi, je connais tout. C'est pas un violon, ça, là. Ça, c'est une bombarde. Une bombarde. Une bombarde à mèche. Une bombarde à mèche? Tu mets le feu là-dessus, là. Regarde, écoute bien ça. Hey, ça, c'est une bombarde à mèche! Méchante bombarde à mèche, toi, là. T'étais méché, toi, là. Ah, t'étais méché! Je suis pas méché, je connais ça, les mèches, moi. Je suis dans les explosifs. Oh oui, t'as les cheveux pétards. Oui, je suis un pétard. Regarde-moi le toupet. T'as pété combien de fois? Oh, j'ai pété régulièrement. Je m'accuse, madame... C'est pas une madame, c'est une sœur. Oh, excusez-moi, ma sœur. Vous êtes pas une madame, ma sœur. Non, je suis pas une madame, je suis une sœur. Oh, excusez-moi, madame, ma sœur. Non, je suis pas une madame, je suis une sœur. Madame, ma sœur, sœur. Sœur. Madame, ma sœur. Non. OK, madame. Arrêtez-moi ça, je suis une sœur. Sœur. À cette heure, maintenant, ma sœur. Oui. J'aimerais vous divulguer mes péchés. Oh, on n'a pas le danser. Il faudrait amener. Oh, on va l'amener. Non, on ne peut pas l'amener. OK, alors allez-y. Oh, hey, ça donne... Attendez. Ça donne le goût de swinguer. Ben là, moi, j'ai swingé hier après-midi avec Rita Bibelot. J'ai pratiqué mon swing. Puis là, le plafond, swing dans le plafond, swing dans le plafond. J'ai mal au cabochon. Aïe, aïe, donc, j'ai le feu qui départ. Ah! Okay. Avez-vous remarqué ça? Oui! J'ai le feu qui départ. Oh, mon dos, mais pas la flamme, non. J'ai pas voulu dire fleu. Ah, non! Qu'est-ce que ça dit? J'ai rien dit. Bon. À vouloir trop rien dire, tu dis tout. Oui, monsieur, je dis tout. Nous vous proposons maintenant l'actualité jamais révisée, toujours mal digérée, avec votre lecteur... Et presque libre débiteur. Ah oh non, on ne peut pas le faire, celui-là. Pourquoi? On n'a pas d'actualité. Pour le moment, on n'en a pas. Bon, alors on va passer à l'autre. Merci. Cette semaine, et ça, jusqu'à épuisement du concept, nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, poursuivrons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue... Le... Hein? Pardon? Allô? Madame, vous êtes là? Ben oui. Bon, merci. C'est une madame, ça? Il me semble qu'elle a le madame pas mal masculin. Bon, aujourd'hui, hein, c'est les trop-vestis. Oh! Ils sont trop investis dans leur rôle. Hein. Comme à Irance Rénaldienne, madame Thibodeau, on y avait dit, investissez vos poutrons, vous ne seriez même pas capable de suivre. Eh, monsieur, t'as dit ça de même? Non, j'ai pas dit ça de même, là. J'ai été plus calme. Qu'est-ce que vous lui avez divulgué? Je lui ai susurré à l'oreille. Madame Chose. Oh, elle aime ça de se faire dire Chose. Oui, elle voit donc Chose. Oui, ah oui. La tapote, la tapote. Oui, madame, je vais danser. La tapote va commencer. Oui, monsieur, je voudrais camber. La tapote. Oui, madame, je voudrais danser. La patte, comment? La tapote va commencer. OK, c'est atelier d'improvisation. Avec le fil Ariane. Ariane, que c'est pas Ariane qui me l'a donné, c'est le fil qui me l'a dirigé. Mais pas dans la terre, dans le ciel. Parce que le cerf-volant, là, c'est comme des Mongols fiers. Ils sont heureux de vivre. Plus t'es heureux, plus t'es fier. Plus t'es fier, plus t'es Mongol fier. OK, alors là, qu'est-ce que tu... Non, je voulais pas danser, OK. Tu descendras pas. Cutané! Comment ça, cutané? Cutané toi-même? Ah, mais Madame Tremblay! J'ai pas voulu vous traiter de cutané, là. C'est Madame qui? Madame Coralie de la Faraway-Claire! Oh, mon Dieu! Ça fait peur ce soir. Oui, non, c'est Coralie de la Fouquère qui, depuis quelques semaines, nous soumet des mots. Comme le chantait Dalida. Je peux-tu la faire? Non, tu l'as déjà fait. OK. Alors, elle nous a amené cutané. Pour la perversité de cutané. Oh, on la trouve pas la perversité. Voyons donc, cutané. OK, oui, tanné. Oui, tanné. Ah, oh, je suis très tanné. Moi, là, quand tu prends du cuir, là, qu'est-ce que tu fais avec le cuir? Ah, oh, moi, je le frappe. Puis quand je suis tanné, je le laisse aller à terre. Oh! Tu le laisses aller. Je le laisse séchoir. Avec quoi? Avec mon souffle. Qui sert de séchoir. Un séchoir à feu? Non, un séchoir à mèche. Pourquoi? J'ai la mèche courte. Hey, moi aussi, j'ai la mèche courte. On dirait que plus je travaille avec le public, plus j'ai la mèche courte. Tellement courte, là, que tu me dis bonjour, je dis « Qu'est-ce que tu veux, toi? » Je veux presque agresser la personne qui me dit « Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as? » Ça va bien, là. C'est comme un point de non-retour. Mais il n'y a pas de retour. Mais il n'y a pas de point non plus. Il n'y a même pas de finale. Non, c'est une virgule. Une virgule et trois points de suspension. Ah, mon Dieu, il faut suspensionner que... Ben, que vous êtes à Irance Rénaldienne et que vous l'écoutez grâce à CKRL, le 89.1, la radio, hein? Acoustique. À qui? Acoustique. Acoustique, ben oui, effectivement. Elle est analogique, numérique, bio-ionique. Oh mon Dieu, bio-ionique, ça, on aime ça. Vous aimez ça, hein, quand c'est l'homme de 6 millions, la femme bionique. Pourquoi bio-ionique? Ben parce que yo-yo-yo, OK, ça monte, ça descend. Le, non, les ondes sont tout à fait puissantes, mais c'est l'émission Errance Renaldine qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Attends, elle va monter puis descendre, là. Madame, préparez-vous à quelque chose d'assez extraordinaire, parce que cutané, on n'a même pas improvisé sur cutané. Mais non, ça nous excite trop. Oh! Et moi, j'ai la peau qui fend. Là. Ça fend de rien. Et puis quand je dis à Fanfan, « Fanfan, vois-tu que ma peau fend? » Il dit, « Non, c'est quoi? C'est parce que t'es un fanatique de mon nom? » Ben non, Fanfan. Ben comment ça? Tu me dis tout le temps Fanfan? Ben parce que je suis devant Fanfan. Je suis pas devant Ticu Baudouin. Sinon, je dirais Ticu Baudouin. Toi, c'est Fanfan. Ben oui, c'est Fanfan, Fanfan. Bon, arrête de faire l'enfant, Fanfan. Je ferai l'enfant si je veux être un enfant, mais je suis pas un enfant, je suis un adulte. Fanfan adulte. Fanfan adulte. Mon Dieu. T'es-tu adulé, mon fanfan adulte? Ah, je suis adulé de tous et de toutes. Quoique, depuis quelques semaines, je tiens à te confesser quelque chose. Oh, mon Dieu. On va laisser. Mais le mot cutané, on le placera pas dans le château symbolique de la francophonie. Excusez-moi, Coralie de la Fouquière. Mais on le place pas. On va se placer ailleurs. Madame Tremblay, placez-vous à gauche. Vous êtes content quand même du résultat que ça a procuré et surtout ce que ça amène comme vente. Comme concert, comme concert voilà. Aussi, voilà. Voilà aussi. Et ouais. Puis, si tu veux, c'est un album où on peut dire après, c'est un album de chansons, les gens s'y retrouvent, on peut l'écouter à la maison. Voilà, il y a plein de gens, ça va. Comme le retour que j'en ai des gens, ils sont très contents de l'album. Des gens qui connaissent Raoul depuis très longtemps, voilà, ils aiment beaucoup l'album. comme même des gens qui n'aiment pas forcément Raoul, ils trouvent ça super. Voilà, ouais, ouais. Non, non, c'est, y a un alors c'est rassembleur. Que cet album est le meilleur, ils disent voilà, c'est concis, c'est bien. Alors c'est rassembleur, ça amène y a, le public. Il y a une unité et voilà. Même si c'est paradoxal, son, déjà. C'est paradoxal parce qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a des morceaux totalement différents oui. Des styles. Ah ouais, ouais. Mais en même temps, il y a une osmose à l'intérieur et les gens s'y retrouvent. J'ai pas l'impression qu'ils sont gênés, quoi. Voilà. Il y a une suite logique. Je sais pas, je pourrais pas te dire. Mais c'est conceptuel, c'est-à-dire que la chanson va amener l'autre et donc ça fait un tout. Voilà, ouais. Et en spectacle, bien, pour voir la folie, c'est bien sûr voir le groupe se donner entièrement. Voilà. Corps et âme. Voilà. Pardon? Corps et âme. Corps et âme, oui, effectivement. Puis il y a des dérivés, il y a même les t-shirts qu'on appelle aussi les gaminets. On appelle ça des gaminets, ça veut dire ça? Ça, c'est un gaminet. Un gaminet. Oui. Le dessin, là. Non. Le ça, tout. C'est un gaminet. Un t-shirt, avec... c'est un gaminet. Un t-shirt, d'accord. C'est un gaminet. Un gaminet, d'accord. Oui. Oh, oui, c'est dans la langue française. Si on regarde un gaminet, c'est un t-shirt. C'est ça. C'est ben, aussi c'est... Un gaminet, ah oui, ça? Non, ça, c'est pas un gaminet. Ça, non, c'est pas un t-shirt, c'est une veste minet. Non, c'est une veste. Mais une pas veste, minet. Une pas veste. Minet. Non, d'accord. Pas minet. Une veste pas minet. Pour mêler la vendeuse, avez-vous une veste pas minet? Et minet, c'est quoi, un chat chez vous? Non, pas du tout. Non, c'est minou. Minou, un chat. Un minou. Ah, d'accord. Ah, bah, comme nous. Oui, minou, c'est ça. Mais. Non, c'est un gaminet. Un t-shirt, c'est un gaminet. D'accord. Ah, ok. Un gaminet. Non, un gaminet. Ben, c'est un la version française de t-shirt. C'est ça. G-A-M-I-N-T. D'accord, je regarderai. Ah, d'accord. Oui, ouais, voilà. C'est un mot bon, que l'on très bien, je dirais. Ouais. Allez, 10 euros le gaminet. Oui, oui. Et tu vendras absolument rien. Ils ne sauront pas qu'est-ce que tu veux dire. Gaminet, vous venez où ton chat? Exactement. Bon. Alors, la tournée, c'est continue. Là? Je sais pas, là, à continuer, mais... oui, Saint-Étienne là, dimanche, le 13 juillet, Carpentras, près de chez nous, Vaucluse. Oui. Et après, ça se calme un peu et on retourne au mois d'août, on va en Allemagne faire un Zapanal, tu sais ça, t'as oui, vu, oui, hein. Oui. Où j'ai essayé à Serge Levaillant de dire, qu'est-ce qu'il y a après, et. Parce que la France, ça va, on la connaît. Hein. On va aller en Allemagne. Moi, je travaille l'allemand. J'ai fait de l'allemand au lycée. Ah oui, donc, c'était voulais... con que je fasse pas l'allemand. Tu voulais apprendre quelques dialectes allemands. Voilà. Okay. Parce que je dis, chers clients, ou françaises, je fais un peu le président. Français. On fait ça. Je suis habillé en roi. Tu as dû voir. Voilà. On fait ça. Donc, je vais changer. Okay. Je vais dire Deutschland, Deutsch. Et après, changer les petites choses, oui. Et tu pratiques actuellement ton allemand? Il va se passer quelque chose. OK, mais tu pratiques l'allemand? Je vais le pratiquer. J'en ai fait un peu à l'école, oui. OK, j'allais dans les familles allemandes. Oui, mais on oublie. Des Allemands qui avaient fait la guerre et qui étaient des soldats un peu déserteurs, oui. Qui connaissaient mon oncle, okay. Qui venait écouter la radio anglaise en douce. Oui. Et du coup, on les a revus après la guerre et j'allais en vacances chez eux. Et c'est là que tu as appris l'allemand? C'est grâce à la guerre de 40 que j'ai appris l'allemand. Non, c'est là que j'ai appris l'allemand, et à l'école aussi, au lycée. Mais les années ont passé, mais... donc peut-être que l'allemand est derrière. Oui, il est un peu loin, mais je sais dire « Dankeschön, bitteschön », ça va. Ich liebe dich, j'ai quelques notions, on va leur dire des trucs. Et c'est on pour un dire, concert hein. En Allemagne. J'ai pas grand-chose ouais. À dire. Un concert. Ouais. Yeah. L'errance rénadienne complice de vos délires auditifs, mais aussi visuels. Très bizarre, très très bizarre. C'est bizarre comme ça, là. On plume, plume. Est-ce que c'est bizarre, plume la traverse? Oh non! On va chercher. On cherche quoi? Et vous là? Parfum à terre et bantine à couroil la ça? Rue qui ça? Oh bébine, oh bébine, oh bébine, oh bébine. C'est la coqueluche des grands drives. Qui ça? Qui ça? Fureur avec ses bottines. Qui ça? Oh bébine. Travaille dans une usine, sa mère accouche dans la cuisine. Qui ça? Oh, bébé. Oh, bébé. Oh, bébé. Oh, bébé. Eh ben, pogné sa nicotine, pis eh ben, chum avec ma voisine. Qui ça? Oh, bébé. Pas pépine? Pas pépine? Et l'épine? Pas pépine! Priez pour nous! Le rock chrome et full pin comme une vraie super Bobby Pin. Qui ça? De Zappa, ouais, on va y aller, ouais. Qui avait au début du groupe, ou même le nom de Raoul Petit vient directement de Frank Zappa, ouais, d'un film, voilà, et c'était, et voilà, et donc quand même, moi j'aime bien aller, la personne qui nous a programmé a fait quand même 1700 bornes pour venir nous voir, et elle a vraiment eu un coup de cœur, quoi, et c'était super, et moi je suis, on est vachement, moi je suis fier en tout cas d'aller jouer là-bas, d'être reconnu, ce genre de programmateur. Ah ouais, il y a Aquilis, il y a tout le monde, les musiciens, voilà, de machines. Les musiciens Zappa qui jouent là-bas, qui sont programmés. Donc, pour être qu'on n'est jamais allé jouer en Allemagne. Puis l'Allemagne, c'est chaud. Moi, je vois l'émission Arte, là, tout ça, l'émission Trax. Ouais, mais là, c'est ça, c'est Bargeau complet. Hein. Mais c'est au mois d'août? Oui, ouais. Au mois d'août. Bon, mais ça risque d'être un peu plus frais. Donc, en plus, ouais, c'est vers la mer Baltique, là-bas, non? Hambourg. Ah oui, oh, okay. Ouais, ouais, ah, c'est merveilleux. À côté d'Hambourg, à 200 km d'Hambourg. Vous restez combien de jours quand même? Ah bah 15 jours, on devait y aller la veille. Mais la veille, on a trouvé un concert à Narbonne, tu vois, dans le sud. Okay, alors on prend l'avion à Marseille le jour et on arrive et on joue, quoi. Et on repart. Et on repart. Alors ça me fait chier. Je serais bien resté dans le coin, tu vois, un peu, voir les Allemands, jouer dans des bars. Alors tu restes une journée. En général, c'est ça, on tourne, il y a un camion, il y a un seul, on ne peut pas rester. Parce qu'il y a la location du camion, parce qu'il y a les billets d'avion, parce que... Ouais. Ça coûte cher aussi. Et oui aussi, tu vois. Mais bon, on va déjà là-bas, plateau, en Allemagne. Un spectacle qui va venir par la suite. Voilà. Ouais, ça arrête pas là. On appelle ça chez nous une petite vite. Une petite vite. Une petite vite. Une petite vite. Une petite vite. Vite. Une petite bête. Une petite non. Vite. Non, une petite vite. Vite. Oui, une petite vite. Très rapide. Éclair. Voilà. C'est ce qu'on disait de Chirac. Chirac avec vite. Les meufs. Une petite Chirac vite. Avec les femmes. Il avait un surnom, c'était 5 minutes douche comprise. Ah oui, oui, oui, oui. J'ai entendu celle-là, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Alors donc, Raoul Petit, le souhait que l'on veut... qu'on veut se faire, c'est de se revoir à Québec, à Montréal. Ben oui. Un spectacle. Après 8 heures, il y aurait peut-être une demande, là. Les foufounes électriques. Faut après 8 heures. On n'importe quelle heure, 20 heures. Pourquoi 20 heures? Oui, foufounes, ouais, on peut leur demander. Bon, ben OK, le, puis même à le Québec, 20 novembre à 8 heures. 20h15. Allô, il y a quelqu'un? Oui, c'est ça, oui. Bon. On arrive, 20h15. Non, mais moi, c'est 100%. Moi, j'aime beaucoup, en fait. On est allé une fois, on est resté pas longtemps. Je sais que, voilà, puis on a été invité par des gens, en fait. Ça, on avait une fanfare avant nous qui jouait. Ah, c'est bien. Et en plus, ça allait dans des copains, ils nous hébergeaient, ouais, on faisait des gâteaux, ils nous offraient du sirop d'érable, des plein de trucs. Ah, sirop d'érable, incroyable. L'élixir du Québec. Moi, j'étais en super hôtel. On était dans un super hôtel aussi. Ah oui, on a les moyens. Hein. Ouais, près du stade, rapport, là. Je trouvais que c'était vachement ouvert au niveau des relations. Oui, vous avez les moyens. Ah oui, oui, oui. Oui. Voilà, ben les gens nous invitaient. Le premier soir, on s'est rencontrés. Le deuxième, on était chez eux. Très convivial. On était 15, ils nous ont invités à manger. Voilà, et vachement détendu. Et, voilà, et moi, j'ai bien aimé. Ouais, quoi, très convivial. Ouais, ça n'a rien à voir avec ici, hein, c'est fou. Hein. J'ai 10 questions. Oui. 10 questions de la fin. Mais vous allez voir, ça peut cartonner, c'est le cas de le dire. Alors, je vais commencer par le leader et nous irons après ça avec Marcus pour la... Si tu étais un liquide de carton. Un liquide? Oui. Oui. Oui, alors? Ah, si j'étais un liquide? Oui, mais c'est ça la question. Je serais de l'argent. OK, l'argent. Ah, c'est bon, l'argent liquide. Du liquide, donne-moi du liquide. Et toi, Marcus? Ah, de l'eau. De l'eau, pourquoi? Ben parce qu'il a un besoin. Il a soif. Comme disait Brel, il ne faut pas que ma soif se voit. Si bon, bah lui, tu vois, c'est un baba cool, il se nourrit d'eau fraîche et voilà. Moi, je suis déjà dans l'argent. Ok, ben oui, dans le liquide. Moi, je suis un employé, moi. Voilà. Et voilà, c'est ça. Il y en a un qui paye et un qui reste. Dogs are everywhere, almost everywhere that I go. They have too much and then they have too much again, and then more. They leave their scent. Dogs are everywhere that I go. Oh, dogs are. they find their own way in. Then they rip up everything that I believe in. Sometimes I have to wonder about the dog in me. Oh, dogs are everywhere. Yes, dogs are everywhere. Yes, dogs are everywhere. The tiger. They get down all fours when you walk through the door. They whine and beg around your feet just like a dog for something sweet. They sink their teeth in you. See them tear you in two. Brains are buried out of doors. Oh, I want some more. I want some more. Sometimes I have to wonder about the dog in me. Oh, dogs are everywhere. Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb, placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde de carbone. Sur la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus planète, la belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé, c'est la plus belle maman sur la plus belle planète. C'est vrai que c'est la plus belle Camille. Bienvenue à Errance Rénaldienne de ce vendredi 30 décembre 2011. Jean-Luc? Oui? Jean-Luc, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? C'est l'Errance Rénaldienne? Oui, oui. Mais ça tire. Aïe, aïe, c'est vrai, ça tire. Aïe, aïe, ça fait mal. Ça tire, oui, ça tire. Ouf! Comment ça, c'est comme ça? Ben, c'est pas autrement. On pouvait pas faire comme avant. Ben, pourquoi on peut pas faire comme avant? Mais ben, c'est terminé. Qu'est-ce qui est terminé? Aïe, aïe. Qu'est-ce qui est terminé? Ben, Errance Rénaldienne. Oh, c'est pour ça que ça fait... Oui, ça tire à sa fin. Aïe, aïe. Alors, ben, si ça tire à sa fin, il faudrait peut-être dire aux auditeurs puis aux auditrices, il faut les remercier d'avoir écouté cette émission des plus extravagantes et surtout irrespectueuses du protocole. Oh, ça colle le protocole. Oui, On aime bien coller le protocole à tous les vendredis de minuit à 2h du matin. On aime bien coller les revendications et surtout la marche à suivre de toute cette société qui nous accorde de ces lois, de ces structures. Puis pendant ce temps-là, là, pendant 120 minutes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde quelqu'un qui se libère? Oui, mais surtout, nous-mêmes, on oublie que c'est un imbécile? Ben oui. Ah, c'est vrai. Alors, vous avez écouté Grâce Rénaldienne. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si vous voulez m'écrire, c'est très simple. Rénal Québec, RYNALDQUEBEC, @commercial.com. Et puis, vous pouvez aussi être ami de l'errant rénaldien sur Facebook en cliquant, non, c'est pas en cliquant, c'est en tapotant vers la jolie La Rochelle, en tapotant vers la jolie Rochelle, j'ai rencontré un petit clavier qui me disait, fais pas ça, c'est pas beau, pas dans le beau, pas dans l'eau, c'est pas mieux dans un motel, quelque part à Sainte-Adèle, c'est un gros péché mortel quand on touche aux demoiselles. Puis en plus, bien les moustiques, ça pique. Cache ton cul, Frédéric. Les deux pieds dans l'eau de mon ruisseau, de mon Roland, avec ma blonde, ben passagère. En costume d'Adam, en amoureux, on se disait toutes sortes d'affaires. Ah oui, parle, jase. Comme dedans la toune de l'éveillé, on se foutait du monde entier, ma belle pis moi. Quand blottis pas que ma corneille rapplique tout affolée dans mon party organisé. Hey, faudrait que tu fasses mon Frédéric. Fais pas ça, c'est pas beau, pas dans le bois, pas dans l'eau, c'est pas mieux dans un motel, quelque part à Sainte-Adèle, c'est un gros perché motel quand on touche aux demoiselles, pis en plus, ben les moustiques, ça pique! Alors sur Facebook, Errance Rénaldienne, vous pouvez aussi être ami directement de l'errant en rentrant Rénal Gagné sur Twitter. Mais il faut être tweet sur Twitter. Oh, il y en a des tweets sur Twitter. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve l'année prochaine si tout va bien. Et puis, ben, bonne chance. Bonne chance. Ben, on sait pas ce qui nous arrivera. Ça peut être la fin. La fin de quoi? La fin de nous. We'll be right back. ville, carton. Une ville? Montréal. Ah, oh, ben bon. Tu triches un peu, là. Oh, ouais, ouais. Voyons donc. Berlin. Berlin, l'enchanteresse. Ouais, ça bouge ouais. là-bas. Ah, oui, c'est vrai. Ah, je pourrais dire Marseille, mais c'est toi, Marseille. Moi, je dirais Babylone. Babylone? Ah. OK. Ouais, ça serait le futur. Pour toi, c'est vraiment l'ouverture. Ben, ça me fait rêver dans le sens où je vois ça comme un cataclysme. Et en même temps, c'est moi parce que j'aimerais que tout soit permis, mais on n'est pas toujours très loin. Ouais, voilà. OK. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. La frontière n'est pas loin. Et voilà. Ouais. Alors donc, carton, si tu étais une langue. Une langue? Oula. Je sais pas. Une langue de bœuf? OK, oui, mais une langue parlée. Ah, une langue parlée? Oui. Ah. Ah. Bon, le français, hein, je vois pas, ouais, ouais. Vas-y, moi, toi, moi je vois pas trop. C'est-à-dire, c'est une langue universelle. Laquelle? Ben, elle est inventée. Ok, quoi. Ok, tu l'as pas inventée. Ok, ah, que tout le monde puisse se comprendre. Parce que quand je suis allé en Hongrie, j'ai beaucoup souffert. Voilà. Ah, ouais, c'est ah, ça ouais, que faudrait le... l'européenne, ben, là. Ouais, le. Oh, maintenant, le. L'espéranto. Ah oui, l'espéranto, oui, oui, mais ça n'a pas fonctionné très, très bien. Si tu étais, mon cher carton, une époque. Mon cher carton, c'est la première fois que tu me dis ça. Oui, ça mon cher on commence carton. À se connaître. Oui, ben là, écoute, une époque, celle-là. 2011. Ouais, ouais, ouais, en plein dedans, là, ouais, okay. Ouais. Toi, tu regrettes rien, tu te sens à l'aise. Non, dans cette, après, je dis yes futur, point d'interrogation, parce que je ne sais pas. Là, pour le moment, ça peut aller, quoi. J'arrive encore, ça va, on s'exprime, on joue. Mais je crains, c'est bien là en ce moment, mais je crains après un peu quand même. OK. Alors oui, mais c'est fragile. Oui, mais on a toujours craint après, ça va, ça tourne, oh, ça va, voilà. Mais ouais. C'est l'environnement, la Terre, on se demande si ça va pas exploser, toutes les conneries là. Ouais. Enfin, le nucléaire et tout ça. C'est là. Vrai. Mais moi, et les années 70, parce que j'étais trop môme. Pour fait, la musique? Ouais, tout. Le oui, sexe. T'as raison. Ah, ouais. Le sexe drogue, aujourd'hui, c'est tout ce que c'était. Okay. Ben, voilà. Ouais. Sexe, drogue et voilà, rock'n'roll. Parce que je voyais ma soeur qui était plus grande et qui avait des barbus. Ah oui, ok. Et moi, j'étais là et je suis arrivé trop tard. Là. Ça commençait à être fini. Voilà. C'est vrai. Et voilà, bon, c'est trop tard. C'est vrai qu'avant qu'il y ait cette période sida et tout ça, il y avait une certaine liberté déjà. Tu vois, qui n'est plus, même je vois dans le sud, à Apt. Bah, le groupe s'est formé là-bas parce qu'il y avait des gens partout, il y avait des fermes, on se retrouvait le matin au café, on jouait. Le soir, tu viens habiter là. Maintenant, toutes les fermes sont prises par des gens très riches. Ouais, ouais. Il y a des clôtures. Tu peux plus habiter où on est, nous. Tu peux plus louer. Quoi. C'est dur de trouver un... Et cette liberté aussi, oui. Voilà. Ouais, c'est là que ça a commencé. C'est allé très loin. On mais... pouvait se tromper. On pouvait se tromper. Voilà. On pouvait tout s'offrir. Voilà. Moi, je dis maintenant, parce que je pense au groupe, c'est là où je me sens mieux dans Aoul Petit qu'avant, presque, tu vois. Peut-être parce que j'ai plus de maturité scéniquement, parce que... Tu te sens à l'aise. Oui, les morceaux, on est plus là. On est oui, plus à l'aise, voilà. C'est moins le bordel qu'avant. Si tu étais, ça a toujours été bien. Il y a eu de très bons concerts. Hein, mais... Oh, ouais. Mais tu regrettes rien, comme disait... Voilà, là, je me sens assez fort dans ce groupe-là. Et ouais. Si tu étais un mot? Un mot? Un mot? Bah, carton. Et toi, Marcus? Papier. Un mot. Apaisé. Apaisé. Hein? Lui, il a le bac littéraire, hein, c'est pour okay, ça. OK, ben oui, apaisé, c'est beau, hein? Oui, la belle consonance. Ouais, c'est peace and love. Shock.